إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue inshallah ta'ala la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. الأسبوع الماضي بدأنا تفسير سورة الملك وانتهينا إلى قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. On s'est arrêté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. En parlant des mécréants qui diront en enfer, lorsqu'ils seront dans le châtiment de l'enfer, ils diront comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a informé, il dit si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Fama qala ta'ala فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي بعدا لهم وخسارة وشقاء فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. ثم قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر حالة السعداء الأبرار فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به ولا يقصرون فيما أمر به لهم مغفرة لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم ولهم أجر كبير وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والمشتهيات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de ces mécréants qui brûleront en enfer, il dit Azza wa Jalla selon le sens, ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. C'est-à-dire qu'ils soient éloignés et qu'ils connaissent le malheur et la perdition. Il n'y a pas plus malheureux qu'eux lorsque la récompense d'Allah s'est échappé d'eux lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de la récompense d'Allah. Ainsi, ils restent dans le châtiment de l'enfer, l'enfer qui brûle leur corps et qui monte jusqu'à leur cœur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Cheikh Saadi rahimahullah dit: lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'état des malheureux et des pervers, il a cité l'état des bienheureux et des pieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu. C'est-à-dire qu'ils redoutent leur Seigneur, quelles que soient les situations dans lesquelles ils se trouvent. Même dans les situations où personne ne les voit sauf Allah, ils ne commettent pas de péché et ne commettent pas de manquement vis-à-vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum maghfiratun, ils auront un pardon, c'est-à-dire que leurs péchés seront pardonnés. Et lorsqu'Allah pardonne des péchés, eh bien, il préserve cette personne des conséquences néfastes de ses péchés, et Allah préserve cette personne du châtiment de la fournaise. ولهم أجر لهم وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير. De même qu'ils auront une grande récompense. Et cette grande récompense, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé au paradis. Il leur a préparé des bienfaits durables, un grand royaume, des délices qui se suivent. Ils auront là-bas au paradis des palais et des demeures élevées. Ils y auront aussi des houris bellissimes, des houris qui sont les femmes du paradis. Et ils auront également des servants à leur service. Et plus immense que tout cela, et plus grand que tout cela, la satisfaction du tout miséricordieux. Cette satisfaction qui englobera tous les gens et tous les habitants du paradis. ثم قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Puis il dit سبحانه وتعالى: que vous cachiez votre parole ou vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le doux, le parfaitement connaisseur. قال الشيخ سعد رحمه الله: هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به أي كلها سواء لديه أي كلها سواء لديه لا يخفى عليه منها خافية فإنه عليم بذات الصدور أي بما فيها من النيات والإرادات فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق, فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه فكيف لا يعلمه وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. الشيخ سعد رحمه الله دي en expliquant ces versets 13 et 14 de Sourate La Royauté. Il dit, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'étendue de sa science et de l'étendue de sa douceur subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, selon le sens que vous cachiez votre parole ou vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. C'est-à-dire que tout est similaire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui échappe. Il sait ce que renferment les poitrines. C'est-à-dire qu'il connaît les intentions et les volontés de chacun. Que dire alors de leurs paroles, de leurs actes qui peuvent être entendus et vus? Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, en apportant une preuve logique, une preuve rationnelle de sa science, subhanahu wa ta'ala, il dit selon le sens, ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Celui qui a créé les créatures, qui les a créées de la meilleure des façons, qui les a créées avec minutie, comment ne peut-il pas connaître ces créatures? Wa huwa al-latiful khabir, et c'est lui le doux et le parfaitement connaisseur. Al-latif, c'est-à-dire, et ça on l'a vu dans l'explication des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, que Al-latif a deux sens. Le premier des sens est la précision de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième sens de Al-latif, c'est le doux. Naam. Ici, Cheikh Saadi rahimahullah va citer les deux sens de ce nom d'Allah sublime Al-Latif. Wa huwa Al-Latiful Khabir, le doux parfaitement connaisseur, c'est-à-dire celui dont la science est précise, à tel point qu'il connaît les secrets et tout ce qui est renfermé et invisible. Comme il le dit Azza wa Jal dans Surah Taha, le verset 7, il connaît les secrets même les plus cachés. Puis il dit, rahimahullah, et parmi les sens de Latif, celui qui est doux avec ses serviteurs et ses alliés. Allah Azza wa Jal leur accorde de la bienfaisance, Allah est bienfaisant avec eux sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du mal sans qu'ils ne prennent conscience de cela. Et Allah Azza wa Jal les élève en degré sans que ses serviteurs ne puissent l'imaginer, ou d'une façon que ses serviteurs ne puissent imaginer. À tel point qu'Allah Azza wa Jal peut même faire goûter à son serviteur des choses détestables afin de l'amener à ce qui lui est préférable et à l'élever dans les hauts degrés et à lui accorder un statut noble. ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض فراشا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Il dit سبحانه وتعالى, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. قال الشيخ سعدي رحمه الله, أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها ما تعلقت به حاجتكم لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة فامشوا في مناكبها أي لطلب الرزق والمكاسب وكلوا من رزقه وإليه النشور أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. الشيخ سعد رحمه الله dit, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis à votre disposition cette terre et qui a fait en sorte qu'elle se soumette à vous afin que vous puissiez bénéficier et utiliser cette terre dans vos besoins de cultiver, vos besoins de construire, et également le besoin de d'avoir des chemins, des routes qui puissent vous amener aux contrées et aux pays les plus lointains. Famshu fi manakibiha. Mangez. Famshu fi manakibiha. Parcourez donc ces grandes étendues. C'est-à-dire, parcourez ces grandes étendues dans la recherche de votre pourvoyance et de ce qui vous permettra de subvenir à vos besoins. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. Mangez de ce qu'il vous fournit. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers lui que sera la résurrection. C'est-à-dire, après que vous quittiez cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, dont Allah azza wa jal a fait une épreuve, cette vie qui est un moyen ou qui est une étape nécessaire afin d'accéder à la demeure de l'au-delà. Après cela, vous serez ressuscité après votre mort et vous serez présenté devant Allah afin qu'il vous rétribue selon vos actes, bons soient-ils ou mauvais. ثم قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous enfouisse dans la terre, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous serez ainsi, quel fut mon avertissement? En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? قال الشيخ سعد رحمه الله هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة فقال أأمنتم من في السماء وهو الله تعالى العالي على خلقه أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تمور بكم وتضطرب حتى تتلفكم وتهلككم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم فستعلمون كيف نذير أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم فستجدون عقاب فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الزمان أو قصر فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. Il dit, rahimahullah, il y a dans cela une menace et une mise en garde à celui qui persiste dans sa transgression et dans son outrepassement des limites, et dans sa désobéissance qui apporte le malheur et lui fait subir le châtiment. Il dit Azza wa Jal, « A'amintum man fis sama » Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, élevé au-dessus de ses créatures. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous enfouisse dans la terre? Vous enfouisse dans la terre et voici qu'elle tremble, c'est-à-dire qu'elle se mette à bouger, à vaciller jusqu'à causer votre perte et vous détruire. أَمَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel, que celui qui est au-dessus du ciel envoie contre vous un ouragan de pierre, c'est-à-dire un châtiment des cieux qui jetterait sur vous des pierres et ainsi Allah vous détruirait. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. C'est-à-dire, vous saurez comment vous frappera ce contre quoi vous ont mis en garde les prophètes et les livres. Ne pensez pas que vous êtes en sécurité vis-à-vis d'Allah et qu'il vous châtie par le châtiment de cette vie d'ici-bas, qu'il vous châtie par le châtiment de la terre et que vous êtes à l'abri du ciel. Vous connaîtrez les conséquences de vos actes. Que la période soit longue ou courte, c'est-à-dire que viendra un moment où vous subirez les conséquences de vos actes, que ce moment vienne de suite ou qu'il vienne plus tard. Car ceux qui vous ont précédés ont traité de mensonges comme vous traitez de mensonges, et Allah Azza wa Jal les a détruits. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés dans cette vie d'ici-bas avant le châtiment de l'au-delà. Prenez donc garde à ce que vous ne subissiez pas ce qu'ils ont subi. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ Il dit subhanahu wa ta'ala, n'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant tour à tour leurs ailes? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. قال الشيخ السعدي وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو وسخر لها الجو والهوى تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها ما يمسكهن إلا الرحمن فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. Puis il dit, subhanahu, il dit, rahimahullah, Cheikh Sa'di, rahimahullah, que ceci est un reproche et un encouragement. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux? C'est un reproche et c'est un, en même temps, un encouragement. C'est un reproche pour ceux qui n'observent pas les oiseaux. Et c'est un encouragement à regarder et à observer les oiseaux. Et ceci est un reproche et un encouragement à regarder le cas de l'oiseau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de l'oiseau l'atmosphère et l'air. L'air dans laquelle les oiseaux déplient et replient leurs ailes. Et ainsi, ces oiseaux volent dans les airs à leur guise et comme bon leur semble selon leurs besoins. Salam. Puis il dit Azza wa Jal ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Seul le tout miséricordieux les soutient. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis à la disposition des oiseaux l'air. Et Allah Azza wa Jal a accordé à ces oiseaux un corps et une morphologie qui est adéquate pour voler. Celui donc qui regarde et qui observe les oiseaux et médite dans ces oiseaux, cela l'amènera à considérer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le seul et l'unique qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. إنه بكل شيء بصير et il est et il voit toute chose. Il est sur toute chose clairvoyant. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui administre ses serviteurs selon ce qui correspond à ses serviteurs. Et tout ceci conformément à sa sagesse divine subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Il dit, subhanahu wa ta'ala, quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أي ينصركم إذا أراد بكم الرحمن سوءا فيدفعه عنكم أي من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه مثقال ذرة على أي عدو كان. فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم رزقه فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ فالرزاق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولكن الكافرون لجوا أي استمروا في عتو أي قسوة وعدم لين للحق ونفور أي شرود عن الحق. الجي رحمه الله، الله عز وجل s'adresse aux désobéissants, à ceux qui fuient les commandements d'Allah et à ceux qui se détournent de la vérité. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? C'est-à-dire, quel est celui qui pourrait constituer une armée qui vous donnerait la victoire si Allah vous voulait un mal? Une armée qui repousserait un mal qu'Allah vous voudrait, que le tout miséricordieux vous voudrait? C'est-à-dire, quel est celui qui puisse vous accorder la victoire contre vos ennemis en dehors du tout miséricordieux? Allah, le Très-Haut, est celui qui accorde la victoire. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Et autre que lui, parmi les créatures, s'ils se réunissaient pour accorder la victoire à un serviteur, il ne pourrait lui être d'aucun bénéfice, d'aucune aide, ne serait-ce que le poids d'un atome. Et ceci contre quelque ennemi que ce soit. Ainsi, le fait que les mécréants persistent dans leur mécréance, après avoir pris connaissance que personne ne peut leur accorder la victoire en dehors d'Allah, le fait de persister dans cette mécréance est de l'illusion et de la folie. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. Quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de fournir son attribution? C'est-à-dire que la pourvoyance entière provient d'Allah. Et si Allah s'abstenait de vous accorder sa subsistance, qui pourrait vous accorder celle-ci? Les créatures ne peuvent subsister à eux-mêmes, à elles-mêmes, que dire d'accorder la subsistance à autre qu'elle? Celui qui accorde la pourvoyance, celui qui comble de bienfaits, un serviteur ne peut bénéficier d'un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah. C'est donc lui qui mérite que l'on l'adore seul, subhanahu wa ta'ala. Mais les mécréants persistent dans leur dureté et dans leur répulsion, c'est-à-dire ils s'enfuient de la vérité. ثم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الجي عز وجل، qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا. أما من كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. C'est-à-dire, lequel de ces deux hommes est le plus guidé ? Est-ce celui qui sombre dans l'égarement, plongé dans la mécréance dont le cœur est retourné, à tel point que la vérité est pour lui le faux et le faux est pour lui vérité ? Ou est-ce celui qui connaît la vérité, qui est touché par celle-ci, qui la met en pratique et qui marche dans le chemin droit, autant dans ses paroles, dans ses actes, que dans l'ensemble de ses situations. Le simple fait de regarder l'état de ces deux hommes permet de savoir la différence entre eux, permet de reconnaître le guidé parmi eux, de l'égaré, et les situations concrètes sont plus révélatrices que les paroles. ثم قال الله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique ? Dis, c'est-à-dire au Muhammad, Allah seul a la connaissance, et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة قل هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية ولكنه مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون الله قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى عليكم من النعم ما به تنتفعون ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين جعلوا علامة صدقهم أن يخبروا بوقت مجيئه وهذا ظلم وعناد فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق ولا ملازمة بين الصدق هذا الخبر وبين الإخبار بوقته فإن الصدق يعرف بأدلته وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. الشيخ سعد رحمه الله دي الله عز وجل دي pour montrer qu'il est le seul qui mérite d'être adoré seul et pour appeler ses serviteurs à être reconnaissants envers lui, il dit Azza wa Jal, selon le sens, dit c'est lui qui vous a créé. C'est-à-dire c'est lui qui a fait en sorte que vous existiez après le néant. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que vous existiez sans que personne ne l'aide dans cela. Et lorsqu'Allah vous a créé, il a parfait votre existence. Et il a parfait votre création en vous accordant l'ouïe, la vue et le cœur, qui sont les membres du corps les plus bénéfiques et ceux qui apportent la force au corps. Mais malgré tous ces bienfaits, vous êtes rarement reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Très peu sont reconnaissants, et la reconnaissance que certains d'entre vous font est en petite quantité. قَلِيلٌ مِنْكُمُ الشَّاكِرُ وَقَلِيلٌ مِنْكُمُ الشُّكْرُ. Peu d'entre vous sont reconnaissants, et minime est la reconnaissance lorsqu'elle existe. Puis il dit, Azza wa Jalla, selon le sens, dit, c'est lui qui vous a répandu sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que vous vous dispersiez dans la terre et que d'un bout à l'autre de celle-ci, vous y habitez. Allah vous a donné des ordres et vous a donné des interdits. Et Allah vous a comblé de bienfaits dont vous jouissez. Puis après cela, il vous ressuscitera le jour du jugement. Mais ce rendez-vous et cette promesse de la rétribution, ces transgresseurs ne la reconnaissent pas et la traitent de mensonge. Et ils disent de façon mensongère, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils ont fait Dieu Naam. Ils ont dit aux prophètes qui sont venus les mettre en garde, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils ont donc considéré que la preuve de la véracité de la résurrection et du fait qu'ils seront jugés devant leur Seigneur, la preuve de la véracité de ces prophètes serait que ces prophètes les informent du moment où ils seront ressuscités et du moment où l'heure arrivera. Et ceci est de leur part une injustice et du mépris, car la science de l'heure n'est connue que d'Allah. Aucune créature n'a la connaissance de l'heure. Puis, Cheikh Saadi rahimahullah dit, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que le fait de ne pas citer le moment exact dans lequel l'heure arrivera ne veut pas dire que cette information est fausse, car l'on connaît la vérité par ses preuves, et Allah subhanahu wa ta'ala a apporté les preuves de la véracité de cette rétribution qui aura lieu le jour du jugement. Des preuves qui ne laissent plus aucun doute à celui qui prête l'oreille et à celui qui est témoin. ثم قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, Puis, quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Dis, c'est-à-dire au Muhammad, que vous ensemble, c'est-à-dire que voyez-vous? Qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde. Qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux? Dis, c'est lui le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Dis que vous ensemble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? قال الشيخ السعدي رحمه الله يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وقلقل أفئدتهم فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون فاليوم رأيتموه عيانا وانجل لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب الملون أمره الله أن يقول لهم أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد عنكم شيئا ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة وحالة أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم وهذا استفهام بمعنى النفي أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى تمت والحمد لله بيلجي رحمه الله c'est-à-dire que l'endroit ou le lieu dans lequel les non-musulmans traiteront de mensonge la vérité, cet endroit sera la vie d'ici-bas. Car quand viendra le jour de la rétribution, et quand ils verront le châtiment de près, eh bien cela leur fera mal et les effraiera. Et leurs cœurs seront bouleversés. Leurs visages changeront et ils seront réprimandés sur les mensonges qu'ils avaient proférés dans cette vie d'ici-bas. Et il leur sera dit, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Aujourd'hui, vous le voyez de façon claire. Les choses sont plus que claires et vous n'avez plus d'issue. Il ne vous reste plus qu'à subir le châtiment. Voilà makan al-mukadhibun, et parce que ceux qui traitaient de menteurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui rejetaient son appel, parce qu'ils espéraient sa mort et ils attendaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le coup de la mort, Allah azza wa jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses non-musulmans, vous, même si ce que vous espérez arrive, et qu'Allah me détruise ainsi que ceux qui sont avec moi, cela ne vous sera d'aucune utilité, car vous avez mécru au signe d'Allah, et vous méritez donc le châtiment. Qui vous protégera d'un châtiment douloureux que vous devez subir de façon certaine? Ainsi, ne vous fatiguez pas, et la motivation que vous avez à me détruire ne vous sera d'aucune utilité. Et parmi les paroles de ces non-musulmans, et qu'ils disent que eux sont dans la vérité, dans le droit chemin, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'égarement. Ils ont répété cela à plusieurs reprises. Ils ont polémiqué à ce sujet et ont même combattu pour cela. Allah azza wa jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de décrire la situation dans laquelle il est lui et ceux qui le suivent. Une description qui permettra de prouver à quiconque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent sont dans la guidée, et qui prouvera leur piété. Allah azza wa jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. La foi qui englobe le fait de croire et de considérer vrai dans notre fort intérieur. Mais la foi englobe également les actes apparents et cachés. Et parce que ces actes sont parfaits et connaissent leur complétude, lorsqu'ils émanent d'une personne qui place sa confiance en Allah, Allah Azza wa Jal a cité de façon particulière le fait de placer la confiance en lui. Subhanahu wa ta'ala. Même si at-tawakkul fait partie de l'iman, fait partie de la foi. Amanna bihi, nous croyons en lui et nous plaçons notre confiance en lui. Le fait de placer la confiance en Allah, est-ce que cela fait partie de la foi? Oui. Donc cela entre dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Amanna bihi, nous avons cru en lui. Mais Allah Azza wa Jal a cité de façon particulière le fait de placer notre confiance en lui, subhanahu wa ta'ala, pour montrer l'immense importance de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'idah, le verset 23, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Ainsi, cela est la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La situation également de ceux qui l'ont suivi. Et c'est la situation qui amène à la victoire et à la félicité. Et la situation de ses ennemis est le contraire. Ils n'ont ni la foi et ni ils ne placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, à partir de cela, l'on connaît qui est dans la guidée et qui est dans l'égarement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il est le seul à combler ses serviteurs de bienfaits. Et il a cité de façon particulière l'eau dont Allah Azza wa Jalla a fait, c'est-à-dire de cette eau, toute chose vivante. Il dit Azza wa Jalla que vous ensemble, c'est-à-dire voyez-vous si votre eau était absorbée au plus profond de la terre. C'est-à-dire si votre eau était enfoui au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait l'eau de source? C'est-à-dire une eau que vous pourriez boire, une eau que vous donneriez à votre bétail, une eau avec laquelle vous arroseriez vos arbres et vos cultures. Ceci est une question, une interrogation mais qui signifie la négation, c'est-à-dire que nul ne peut vous apporter cette eau de source en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi se termine l'exégèse de sourate Al-Mulk, la royauté, walhamdulillahi rabbil alamin.